Les éditions de l'Avenir présentent Samuel Champlain, fondateur de Québec et père de la Nouvelle-France, Histoire de sa vie et de ses voyages par N. E. Dionne, lu par Christian Martin. Chapitre 7e. Port-Royal, 1605-1606. Déménagement de l'habitation de Sainte-Croix. Description de l'établissement de Port-Royal. Champlain va à la découverte d'une mine de cuivre. Le mineur Jacques de Sclavonie. L'hiver de 1606. Maladie et mortalité. Maladresse de Chandoré, punie sévèrement par Gravé. Arrivée de l'Escarbot, de Poutrincourt et de Louis Hébert. Fête à cette occasion. Champlain se décide à continuer ses explorations vers le sud. L'été tirait à sa fin lorsqu'on commença à opérer le déménagement de l'habitation de Sainte-Croix. Les barques transportèrent à Port-Royal les maisons toutes démantibulées, le matériel militaire, les vivres, de sorte qu'il ne resta plus sur l'île que le magasin contenant une petite barrique de vin et quelques mesures de sel qui y furent oubliées. Pontgravé et Champlain étaient partis en éclaireur afin de chercher un lieu favorable qui fut à l'abri des vents du nord-ouest dont les colons avaient eu le plus à souffrir durant l'hiver précédent. La baie explorée en tous sens, il fut décidé qu'on s'établirait vis-à-vis de l'île située à l'embouchure de la rivière de l'Équille. L'endroit était légèrement élevé et du côté du nord, à environ une lieue de distance, l'on pouvait facilement apercevoir une chaîne de montagnes. Une forêt épaisse recouvrait tout ce pays, à l'exception d'une pointe distante d'une lieue et demie de la rivière. Des chênes clairsemés et quelques lambruches poussaient en cet endroit, sur une terre maigre et sablonneuse. Quoique cette localité apporta plus de facilité à un défrichement, l'on ne persista pas dans l'idée première de s'y arrêter, car la distance eût été un inconvénient. Demont, Pontgravé et Champlain furent unanimes à approuver le choix de la nouvelle résidence. Tout le monde se mit immédiatement à l'œuvre de reconstruction. L'habitation mesurait 10 toises de longueur sur 8 de largeur. Du côté de l'est, on avait érigé un magasin de même profondeur. Au nord était le logement de M. Demont, de 40 pieds de long. Entre le corps de logis et le magasin, à l'angle nord-est du carré de bâtiment, une maisonnette isolée servait de demeure à Champlain et à Pontgravé. Du côté de l'ouest était la demeure des ouvriers à laquelle attenait une petite plateforme. 4 canons défendaient la place du côté de l'eau. En face de la rivière, dont on n'était séparé que par une étroite lisière de terrain, se trouvait un four, la cuisine, la forge et un hangar pour y déposer les agrès des chaloupes, lequel fut plus tard converti en résidence pour bouler. À l'angle sud-est, une palissade de pieux ayant l'apparence d'une plateforme protégeait la porte de l'habitation. Une grande croix avait été élevée à environ 20 pieds du mur du magasin qui faisait face à la forêt. Telle fut la première demeure des Français dans la future capitale de l'Acadie. Il n'y avait rien de somptueux dans ces constructions, l'élégance avait fait place à la solidité dans leur structure. Lorsqu'elles furent à peu près terminées, l'on y installa les provisions apportées de l'île de Sainte-Croix et cette besogne fut expédiée d'autant plus rondement que M. Demont attendait l'heure où les vaisseaux seraient libres pour prendre le chemin de la France. Les intérêts de sa colonie réclamaient sa présence. D'Orville reçut d'abord le commandement du fort, mais la maladie l'empêcha d'accepter ce poste d'honneur. M. Demont s'adressa alors à Pontgravé, qui consentit à agir comme lieutenant durant son absence. Champlain, de son côté, s'engagea à pousser ses découvertes vers les contrées méridionales, au contentement de M. Demont, qui ne désespérait pas encore de rencontrer vers la Floride ce qu'il n'avait pu trouver encore à la suite de longues et patientes recherches. Après le départ de M. Demont, il ne restait plus que 40 à 45 personnes à Port-Royal. Pontgravé mit tout en œuvre pour le parachèvement des habitations. C'était ce qu'il y avait de mieux à faire en attendant l'ouverture de la saison des grands froids. L'on fit aussi quelques défrichements sur le bord de la rivière. On y traça même deux grands jardins, dont l'un était d'ouvrage de Champlain. « J'en fis un, dit-il, pour éviter oisiveté, entouré de fossés pleins d'eau, auxquels il y avait de fort belles truites que j'y avais mises, et où descendaient trois ruisseaux de fort belle eau courante, dont la plupart de notre habitation se fournissait. J'y fis une petite écluse contre le bord de la mer pour écouler l'eau quand je voulais. Ce lieu était tout environné de prairies, où j'accommodai un cabinet avec deux beaux arbres pour y aller prendre de la fraîcheur. J'y fis aussi un petit réservoir pour y mettre du poisson d'eau salée que nous prenions quand nous en avions besoin. J'y semai quelques graines qui profitèrent bien. Ils y prenaient un singulier plaisir. Mais auparavant, il y avait bien fallu travailler. Nous y allions souvent passer le temps. Il semblait que les petits oiseaux d'alentour en eussent du contentement, car ils s'y amassaient en quantité et ils faisaient un ramage et gazouillis si agréable que je ne pense pas jamais en avoir ouï de semblable. Champlain n'occupait pas seulement ses loisirs à faire du jardinage et à pêcher la truite. Désireux de connaître la vérité au sujet de la mine de cuivre dont l'existence lui avait été signalée par Prévert, il courut en barque à la rivière Saint-Jean, de l'autre côté de la baie française, pour y rencontrer Choudon. Ce sauvage prétendait le connaître, car c'était lui, disait-on, qui avait mené les gens de Prévert. Il y conduisit Champlain sans se faire prier, mais à son grand désappointement, il n'y trouva que quelques fragments de cuivre, de l'épaisseur d'un sou, et d'autres plus épais, enchâssés dans une gangue pierreuse, de couleur grise et rouge. Maître Jacques, mineur, qui passait pour, bien entendu, à la recherche de minéraux, fit une courte excursion sur les coteaux voisins et ne trouva pas de cuivre, mais une espèce de mine qui, étant exploitée, pouvait rapporter un bon profit. Mais il était difficile d'arriver à ce résultat, vu que l'eau de la mer venait couvrir deux fois par jour ces rochers métalliques. Leur extrême dureté en aurait rendu l'exploitation des plus pénibles. Champlain s'en revint à Port-Royal, complètement fixé au sujet de cette mine fantastique. Les sauvages avaient joué un tour de leur façon aux matelots du capitaine Malouin, et celui-ci avait ajouté foi aux histoires plus ou moins croyables que les Indiens de Chédiac lui avaient rapportées, et sur la montagne de cuivre et sur l'apparition à Miscou d'un certain diable appelé Gougou. Rien n'était venu troubler la tranquillité de Port-Royal pendant l'absence de Champlain, et tout y aurait été pour le mieux car il y avait des vivres en assez grande abondance si le scorbut n'eût semé le deuil au milieu des hivernants. 12 en moururent, et de ce nombre fut le mineur Jacques. 5 autres malades en réchappèrent. Le chirurgien des champs, de Honfleur, homme expert en son art, ne comprit rien à cette maladie étrange. L'autopsie de quelques corps fit bien voir qu'elle ne différait pas de la maladie qui avait décimé la colonie de l'île de Sainte-Croix. On ne pouvait en attribuer la cause à la rigueur du climat car le froid fut modéré cet hiver-là et la neige commença seulement à tomber le 20 décembre. Mais on buvait de la mauvaise eau. Au lieu de s'approvisionner à une source vive, comme on le faisait du temps de l'escarbot, on allait puiser dans les ruisseaux plus ou moins vaseux du voisinage. À part cela, on n'avait pas creusé de fossés autour de l'habitation, de sorte que les eaux voisines, filtrant à travers le sol, venaient séjourner dans les caves au-dessus desquelles étaient les logements. L'hiver ne devait pas se passer avant que Champlain eût rempli sa promesse d'aller découvrir la côte de la Floride. Le 16 mars, la barque qui devait transporter la troupe dont Pont-Gravier faisait partie quittait Port-Royal et cinglait vers la côte de la terre ferme dans la direction de l'île Menane. L'on fut forcé de relâcher à une autre île plus méridionale, dans une anse de sable, où le vent donnait avec force. Durant la nuit, la tourmente devint si impétueuse que l'ancre dérapa. La barque fut entraînée au gré des vents et elle allait se briser contre un rocher quand une vague énorme vint la soulever au-dessus de l'écueil qui avait menacé pendant un instant de la mettre en pièces. Une fois cet obstacle franchi, la mer la jeta sur une petite plage sablonneuse. Au bout de 4 jours, les avaries étaient réparées et le calme avait succédé à la tempête. L'on atteignit bientôt le port aux coquilles à l'entrée de la rivière Sainte-Croix. La brume et la neige empêchèrent nos voyageurs d'aller plus loin et Pont-Gravé, inquiet sur le sort de ses compagnons encore malades du scorbut, résolut de revenir à Port-Royal pour reprendre bientôt le chemin de la Floride. Quoique souffrant d'une affection du cœur, le lieutenant de M. Demont partit de nouveau pour les découvertes. Mais au moment où la barque allait franchir l'ouverture de la baie, La mère, fort houleuse ce jour-là, la saisit et la poussa avec violence sur les rochers. Du coup, le gouvernail fut rompu, une partie de la quille et 3 ou 4 planches furent enfoncées. La barque s'emplit d'eau. Trudon et d'autres sauvages, qui se trouvaient là comme par hasard, vinrent à la rescousse des naufragés et leur aidèrent à sauver les provisions du voyage, abandonnant l'embarcation au gré des flots. Chandoré, pilote, fut accusé de l'avoir jeté malicieusement à la côte. Au moment de partir, le matin de l'accident, Pontgravé lui avait dit de ne lever l'ancre que s'il jugeait le temps convenable. On comprendrait que, dans un moment de mauvaise humeur, à la suite d'une affaire qui aurait pu lui coûter la vie, sans compter qu'elle lui faisait manquer une expédition qui lui souriait, Pontgravé eût réprimandé sévèrement Chandoré pour sa gaucherie. Il fit plus que cela. Rendu à Port-Royal, le pilote fut garrotté et mis au fer en attendant qu'on l'expédiât en France pour le livrer aux mains de la justice. Champlain aussi fait peser sur sa tête la responsabilité de cet accident. « Ce fut une grande disgrâce, dit-il, et faute de prévoyance au maître, qui était opiniâtre et peu entendu au fait de la marine, qui ne croyait que sa tête. Il était bon charpentier, adroit à fabriquer des vaisseaux, et soigneux de les accommoder de choses nécessaires. Mais il n'était nullement propre à les conduire. » Pontgravé, cependant, se relâcha de sa sévérité première. Il fit enlever les menottes à Chandoré pour lui permettre de parachever une barque qu'il avait mise en chantier. Cette barque devait servir à transporter à court délai tous les colons, soit au Cap-Breton, soit à Gaspé, pour de là se rendre en France sur des navires de pêcheurs. On attendit jusqu'au 15 juillet le retour de M. Demont. Ne le voyant pas venir, l'on partit le lendemain, laissant la garde de l'habitation à deux braves dont l'escarbot nous a conservé les noms. Ce sont La Taille et Miquelet. « Je ne puis que je ne loue, dit-il, le gentil courage de ces deux hommes. Ils méritent bien d'être ici nommés pour avoir exposé si librement leur vie à la conservation du bien de la Nouvelle-France. Car le sieur Dupont, n'ayant qu'une barque et une patache, pour venir chercher vers la Terre-Neuve des navires de France, ne pouvait point se charger de tant de meubles, blé, farine et marchandises qui étaient par-delà, desquels il lui fallut jeter dans la mer, ce qui eût été à notre grand préjudice, et en avions bien peur, si ces deux hommes n'eussent pris le hasard de demeurer là pour la conservation de ces choses, ce qu'ils firent volontairement et de gaieté de cœur. » Champlain et Pontgravé quittaient Port-Royal, mais non sans espoir de retour. Dans l'idée de M. Demont, l'établissement ne devait être que temporaire. Ces atermoiements eurent l'effet de retarder le développement de la colonisation de l'Amérique par les Français, car si au lieu de perdre le temps à chercher un endroit propre à fixer ces gens, dépensant à cette fin des sommes considérables, il eût pris son parti dès l'année de son arrivée en Acadie, nous aurions eu, à l'époque où nous sommes, une colonie déjà prospère. 2 années avaient été perdues dans des tâtonnements à peu près inutiles. À quoi servir, en effet, pour la fin que l'on cherchait, toutes ces pérégrinations le long des côtes? Champlain seul, en sa qualité de géographe, pouvait les utiliser au point de vue de la science nautique. Disons aussi qu'il s'y employa sérieusement. Port-Royal offrait pourtant de grands avantages à une colonie naissante. Son port immense, pouvant contenir des flottes considérables, offrait un abri aussi sûr que commode aux navigateurs. Le climat y était tempéré et l'hiver beaucoup moins rude que dans les autres ports de la presqu'île acadienne. La chasse et la pêche ne faisaient pas défaut et l'on apercevait des terres magnifiques le long des rivières qui venaient se décharger dans la baie. C'était en réalité un pays charmant, le plus beau, le plus fertile qui se puisse voir. Les sauvages Micmacs des alentours possédaient des mœurs douces et la présence des Français au milieu d'eux ne souleva ni leur murmure ni leur mécontentement. Leur chef, Mumbertou, était un bon ami pour eux, et lorsqu'ils quittèrent Port-Royal le 16 juillet 1606, celui-ci s'engagea de protéger l'habitation et les deux Français qui avaient consenti à y résider. Cependant, M. Demont n'avait pas oublié ses colons de l'Acadie, malgré tous les embarras que lui avaient suscités les pêcheurs et les marchands jaloux de ses privilèges. Ils avaient porté leur plainte à la cour, alléguant qu'on les empêchait de gagner leur vie, que le trésor royal souffrirait par la diminution des droits douaniers. Les marchands de La Rochelle et de Saint-Malo se montrèrent les plus obstinés dans leur opposition à l'entreprise de M. Demont. Les personnages influents s'interposèrent en leur faveur et firent tant de tapage qu'ils obtinrent du roi la révocation de sa commission. C'était consommer la ruine de cet homme entreprenant qui avait engouffré 100 000 livres en 3 ans. On lui offrit, pour le dédommager, 6 000 livres à prendre sur les profits éventuels du trafic des pelleteries. « Mais quelle dépense !» s'écrie Champlain. « Lui est-il fallu faire en tous les ports et havres pour recouvrer cette somme, s'informer de ceux qui auraient traité et le déportement qu'il faudrait sur plus de 80 vaisseaux qui fréquentent ses côtes. C'était lui donner la mer à boire en faisant une dépense qui eût surmonté la recette comme il en a bien apparu. Car le distilleur de Mont n'en a presque rien retiré et a été contraint de laisser aller cet arrêt comme il a pu. Voilà comme ses affaires furent ménagées au conseil de Sa Majesté. Dieu fasse pardon à ceux qu'il a appelés et amender ceux qui sont vivants. Et bon Dieu, qu'est-ce que l'on peut plus entreprendre si tout se révoque de la façon, sans juger mûrement des affaires, premier qui est d'en venir là? Ceux qui ont le moins de connaissances crient le plus fort et en veulent plus savoir que ceux qui en auront une parfaite expérience et ne parlent que par envie ou par leur intérêt particulier, sur de faux rapports et apparences, sans s'en informer davantage. M. de Mont ne persévéra pas moins, en dépit de toutes les injustices dont il était victime, dans la résolution de poursuivre son entreprise, dût-il se ruiner à la tâche. Poutrincourt, qui avait déjà traversé la mer en même temps que lui, était son ami et son confident. Il lui écrivit, pour lui raconter ses peines, lui offrant aussi le commandement d'une nouvelle expédition, avec la charge de lieutenant, à la place de Pontgravé. Gentilhomme Picard, que ses occupations avaient jusque-là retenu en province, se rendit à Paris en toute hâte et accepta d'autant plus volontiers les offres de M. de Mont qu'il songeait à revoir son domaine de Port-Royal. Les ordres furent aussitôt donnés pour l'affrètement de navires. Le Jonas, du port de 150 nœuds, fut armé et équipé à La Rochelle avec les fonds de la compagnie dont M. de Mont était resté le chef. Le 11 de mai, il cinglait vers l'Acadie, portant à son bord plusieurs artisans, des gentilshommes, entre autres M. Lescarbot, avocat parisien, un érudit et un gai compagnon. « Nous ne croyons pas, écrit Moreau, que les annales de la France américaine eût conservé à aucune époque le souvenir d'une physionomie plus originale et plus intéressante que celle de ce zélé volontaire de la colonisation. Ce n'était pas l'amour de la gloire ou le désir des richesses qui le conduisait aux rivages acadiens, c'était la curiosité et un peu le dégoût du monde. » Il voulait, disait-il lui-même, voir la terre oculaire et fuir un monde corrompu. L'Escarbot était l'ami de Poutrincourt. Leurs rapports sociaux dataient de loin et rien ne fut plus facile à l'Escarbot que de s'attarder à la personne de celui en qui il reposait sa confiance pour le suivre par-delà les mers. Quand il arriva à La Rochelle, au commencement d'avril, il fut reçu à bras ouverts et, avant son départ, il composait en vers ses adieux à la France. Quelques jours auparavant, il avait fait ses Pâques dans la ville d'Orléans. « Devoir accoutumé, dit-il, à tout chrétien, de prendre viatique spirituelle de la divine communion, mêmement puisque nous allions en voyage. » L'Escarbot donne à entendre, par ce langage, qu'il n'était pas catholique. Cependant, il est assez étrange de le voir remuer ciel et terre pour trouver un prêtre qui voulait accompagner l'expédition. Quelque effort qu'il fit, aucun ne s'offrit, personne n'étant disponible. Le Jonas mit la voile vers le milieu d'avril. Mais en sortant de la rade, il alla se briser sur une des tours de la chaîne. Ce contretemps retarda le voyage d'un mois. Le capitaine Foulque fit radouber son vaisseau avec le plus de diligence possible, et le 11e jour de mai, le Jonas gagna la mer à la faveur d'un petit vent d'est, et le lendemain, il ancrait à Chef de Baie, Havre de Sûreté, où d'ordinaire les vaisseaux allaient s'abriter contre les vents trop forts. La traversée fut heureuse, malgré les tempêtes dont nos voyageurs eurent à souffrir. « Quelquefois aussi, dit l'Escarbot, nous avions des calmes bien importuns durant lesquels on se baignait dans la mer, on dansait sur le petit lac, on grimpait à la hune. Nous chantions en musique. L'on célébrait la fête de Saint-Jean-Baptiste dans le voisinage du grand banc de Terre-Neuve. Le samedi 15 juillet, Canseau était en vue, et le 22, le vaisseau jetait l'ancre dans le port aux moutons, où l'on trouva les cabanes de M. de Mont parfaitement conservées. Enfin, le 27 de juillet, le Jonas entrait, bannière déployée au sommet du grand mât, dans le port royal, saluée par les canonnades du fort, où La Taille et Mitlet, avertis par Mamberton de l'arrivée inattendue d'un grand vaisseau, avaient tout d'abord cru à l'apparition d'ennemis. Mais, bientôt rassurés à la vue du drapeau blanc, ils saluèrent les nouveaux venus avec les plus grands transports de joie. Pontgravé, Champlain et les autres étaient partis depuis 11 jours. Ce fut par un pur hasard que, chemin faisant, ils firent la rencontre, près de l'île aux Cormorans, une chaloupe montée par Rallo, qui avait abandonné le Jonas à Canso, afin d'être plus certain de découvrir les gens de Port-Royal si, comme cela était arrivé, ils s'étaient décidés de quitter Port-Royal. Le secrétaire de M. Demont leur annonça l'arrivée de M. de Poutrincourt avec 50 hommes et plusieurs autres bonnes nouvelles qui décidèrent Pontgravé et Champlain à rebrousser chemin avec leur escorte. Lorsqu'ils arrivèrent à leur ancienne habitation, Poutrincourt y était installé depuis 4 jours. Tous ces hommes s'étaient mis à l'œuvre. Il y avait parmi eux des charpentiers, des menuisiers, des maçons, des tailleurs de pierre, des taillandiers, des serruriers et un apothicaire. Ce dernier s'appelait Louis Hébert. Nous le retrouverons à Québec plusieurs années après, plus occupé à la culture de la terre qu'à l'exercice de son art. Depuis le jour où Pontgravé et Champlain foulèrent de nouveau le sol de Port-Royal, ce fut une réjouissance générale parmi tous ces gens. Le sieur de Poutrincourt, écrit l'escarbot, fut mettre un mouide de vin sur le cul, l'un de ceux que l'on avait donné pour sa bouche. Et permission de boire à tout venant, tant qu'il dura, si bien qu'il y en avait qui se firent beaux enfants. Le départ de Pontgravé, le 28 août, mit fin à cette petite débauche publique. Ayant appris par le sieur des Antons, commandant du Saint-Étienne, que des vaisseaux faisaient la traite sur le littoral du Cap-Breton, Pontgravé voulut leur donner la chasse. Poutrincourt lui confia le Jonas avec instruction de le ramener en France. Tous les hivernants de l'année précédente s'étaient embarqués à bord, excepté toutefois Champlain, Chandoré, Fougeré et De Vitry. Il avait été résolu qu'on passerait l'hiver suivant à Port-Royal, bien que M. Demont eût prié Poutrincourt d'aller à la recherche d'un lieu plus convenable sous le rapport de la température et de la santé que l'île de Sainte-Croix et même que Port-Royal, dont il ne faisait plus de cas. Poutrincourt obtempéra au désir de son chef. En conséquence, il se mit à l'œuvre pour organiser une expédition vers le sud avec l'intention de poursuivre les découvertes interrompues forcément jusqu'alors. Champlain, Chandoré, le chirurgien et Robert Gravé, fils de François, furent de la partie. Poutrincourt avait eu la précaution, avant de partir, de faire labourer un petit coin de terre à 1 lieue et demie de l'habitation. On y avait semé du blé, du chanvre, du lin, des navettes, du rainfort et des choux. La plupart de ces graines avaient germé et couvraient le sol de verdure quand, le 28 du mois d'août, le Jonas, le Saint-Étienne et la barque de M. de Poutrincourt mettaient à la voile, les deux premiers pour le Cap-Breton et la France, et l'autre pour aller reconnaître la côte de l'Amérique aussi loin qu'il serait possible. On avait fixé au 14 novembre la date ultime du voyage. L'escarbot avait été chargé d'avoir l'œil à la maison et de maintenir ce qui restait de Jean en concorde. À quoi j'avais condescendu, dit-il, encore que cela eût été laissé à ma volonté, pour l'assurance que nous nous donnions que l'an suivant l'habitation se ferait en pays plus chaud par-delà Malabar et que nous irions tous de compagnie avec ceux qu'on nous enverrait de France. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté le chapitre 7 de Samuel Champlain, fondateur de Québec et père de la Nouvelle-France, Histoire de sa vie et de ses voyages par N.E. Dionne. Cette version audio est diffusée sous contrat Creative Commons Attribution Non-Commercial No-Derivatives et est une production 2011 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.